إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence là où on était arrivé. C'est le cheikh il dit والواجب إثبات أسمائه واعتقاد ما تدل عليه من صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وعلى حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والواجب احترام أسمائه من أن يسمى بها غيره وذلك من تحقيق التوحيد. نعم. J'avais amené un autre livre avec moi. Puis j'aurais voulu faire une petite élaboration. À moins que je l'ai laissé. À moins que je l'ai laissé à la maison. Subhanallah. Mais je ne l'ai pas amené. Ce n'est pas grave. Bon, après, on va juste expliquer ici qu'est-ce que le chef dit. Ça aurait été bien d'avoir pris votre livre, comme ça j'aurais pu expliquer, donner plus de détails, mais quand même. Donc le chef il dit, l'obligation c'est d'affirmer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en ce qu'ils impliquent d'attributs, il y a de perfection et d'attributs de majesté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on les affirme sans faire de tahrif. Et le mot tahrif, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Donc, tu dois l'affirmer tel qu'il est connu dans la langue arabe classique, comme il est compris. Yani. Tu ne dois pas essayer de prendre le sens du mot pour essayer de lui donner une autre signification. Yani. Ou bien de tahrif. Il y a deux formes de tahrif. Tahrif lafz. وتحريف المعنى. Qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant sur تحريف المعنى؟ C'est-à-dire de déformer ou de dévier le sens. Et il y a la déviation ou la déformation du mot lui-même. Comme par exemple l'exemple de تحريف المعنى, l'exemple de la dévier de la définition ou le sens. C'est qu'est-ce que par exemple al-ash'ara ou les gens du ta'til, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est par exemple quand on leur dit par exemple Ar-Rahman ou ala l'arche istawa, le tout miséricordieux est monté au-dessus du trône, s'est élevé au-delà du trône, eux ils prennent ça et ils disent non, istawa ici ça signifie pas yani, comme les salafs l'ont expliqué, par exemple Ibn Abbas et Mujahid et d'autres parmi les salafs, ils ont dit que Al-Istiwa en arabe ça signifie ala wartafa'a, c'est-à-dire qu'il s'est élevé et il a monté au-dessus du trône. Donc ça c'est l'explication. Si vous retournez à Sahih al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Tawhid, il y a le chapitre dans lequel l'imam al-Bukhari mentionne ce sujet et il cite les paroles de Ibn Abbas et de Mujahid qui disent que Al-Istiwa, ça signifie Ala wa Rtafa'a. Donc on sait que Ibn Abbas et Ibn Mujahid sont des imams dans la langue arabe, ainsi qu'ils sont des arabes, des imams aussi dans l'islam et dans le tafsir. Donc ils connaissent très bien la signification des mots du Coran et la signification des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'ils ont expliqué Al-Istiwa de cette façon, donc on peut être certain que cette interprétation-là est correcte. Toutefois, il y a d'autres parmi les gens de Bid'a qui ont pris ce verset-là et qui ont essayé de changer le sens, et qui ont essayé de dire que non, Al-Istiwa dans ce verset-là, ça signifie Istawla, c'est-à-dire yani Qahara, ou bien qu'il a pris le, yani, il l'interprète par Al-Qahar, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a conquéri ou conquis le trône, ou pris le pouvoir sur le trône. Et ça, c'est une déviation, une déformation du sens. Et ça le retourne, ou ça l'élimine, ou ça l'éloigne de son sens réel, qui est connu dans la langue arabe. Et aussi, c'est une explication qui est contraire au Coran et à la Sunna. Parce que le Coran est clair là-dessus, et la Sunna aussi, il y a plusieurs versets qui le prouvent, que Allah est au-delà de son trône, et aussi il y a beaucoup de hadiths aussi qui le clarifient de ce point. Et en ce qui concerne aussi la langue arabe, eh bien il n'y a rien, il n'y a aucune référence dans la langue arabe qui montre que, alaykoum salam wa sallam, quand il dit istawa ala shay'in, que ça veut dire qahara ou stawla. Et ça c'est une déformation, une déviation à ce sujet-là. Il n'y a aucune référence et aucune preuve pour montrer ça. Donc ça c'est un exemple de tahrif dans al-ma'na. En ce qui concerne tahrif, lafz, yani il y a des exemples, bien entendu chez des groupes comme al-mu'tazila. Quand par exemple on leur mentionne les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il parle, okay, ben al-mu'tazila eux étant donné qu'ils nient les noms, ils nient les attributs d'Allah, ils affirment les noms comme étant des mots sans aucune signification, et il nie les attributs d'Allah. Donc, quand par exemple il dit le verset dans le Coran qui dit wa kallama Allah Musa taklima, alors eux ils transforment ce verset, au lieu de dire wa kallama Allah, pour dire que c'est Allah qui est al-fa'il, qui est al-mutakallim. Il le change et il dit « wa kallam Allah Musa taklima ». C'est-à-dire, pour essayer de montrer que, au lieu d'être celui qui parle, c'est celui à qui on parle. C'est-à-dire que, au lieu de dire que c'est Allah qui est celui qui fait l'action de parler, il le change pour dire que c'était Moussa qui parlait. D'accord? Et eux, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, mais qu'il a créé, il a créé dans les 800 une voix, et que c'est ça, sa parole. Donc, en tout cas, ça c'est des exemples, on va y revenir. Mais, c'est pour vous montrer comment ces gens-là peuvent essayer même de voir les questions, de déformer le sens des mots, et des fois déformer même le sens ou le texte réellement, et essayer de le déformer. Donc ça c'est at-tahrif. At-ta'til, c'est de nier le sens complètement, de le rejeter, ou bien il y a mis de nier sa signification, ou de nier son sens aussi. Ça a un sens de négation, contrairement au tahrif. Le tahrif, c'est plus une déviation, tandis que le ta'til, c'est de nier complètement l'attribut, et de la viser de son sens. يعني ومن غير تكييف c'est-à-dire de ne pas dire ou de ne pas poser la question au sujet du comment, يعني de chercher à comprendre le comment des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône. On n'a pas le droit de demander cette question. On n'a pas le droit de demander non plus, par exemple, comment est la main d'Allah, comment est ses yeux, comment est ses attributs, ou comment il est mis. Et même si on essaie de le comprendre, on n'est jamais capable. Et même si on le demande, et même si on essaie d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas capable de l'imaginer. Il n'y a rien qui lui ressemble. D'accord ? وَمِنْ غَيْرِ تَمْثِيلِ C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut être semblable à lui, et qui peut être comparé à lui. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que Allah SWT ressemble, ou est pareil, ou est semblable à sa créateur. Il est différent de sa création, il n'y a rien qui lui ressemble. Ok, donc, peut-être, on aura d'autres occasions de revenir à ça, à ces explications-là, mais vous allez souvent voir dans les explications des salafs et des ulama et des salafs ces termes-là être utilisés en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, parce que c'est la base de la croyance des salafs au sujet des attributs d'Allah. C'est-à-dire, ils répètent toujours cette formule. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Ils vont toujours répéter ces quatre choses-là pour expliquer que, yani, on croit aux noms et aux attributs d'Allah tels qu'ils sont rapportés dans les textes, sans qu'on essaie de les déformer ou de les interpréter d'une façon fausse. Yani, on les accepte tels quels. De la même façon que les Sahaba les ont acceptés. Donc, et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Laysa kamithlihi shay ». Donc ça, ça vient nier qu'il y ait une ressemblance. D'accord ? Donc si quelqu'un essaie de dire, par exemple, on doit réinterpréter ou changer le sens de ces attributs-là parce que ça implique une imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala, on peut lui répondre pour dire non, parce que même si tu penses qu'il y a une ressemblance et que ça implique une imperfection, eh ben cette ressemblance-là, elle n'existe pas réellement parce que, en réalité, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui entend et qui voit tout. Ok? Et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait terminé le verset en disant, wa huwa as-sami'ul basir, il y a une grande sagesse. Il y a une grande sagesse pour celui qui réfléchit, et il y a même dans ça une réputation pour les gens de bid'a parmi les gens de ta'fir, comme l'Asha'ira, l'Jahmiya, l'Mu'tazila, parce que le fait que eux, ces gens-là, par exemple, ils vont dire, nous, on refuse d'affirmer les attributs qui sont donnés à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou dans la Sunna, parce que ces attributs-là impliquent une ressemblance entre la création, impliquent une ressemblance entre le créateur et la créature. Comme par exemple, si tu leur dis que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il est établi au-delà de son trône, ils disent non, on ne peut pas dire ça, parce que ça implique une ressemblance avec la créature. Mais si tu leur demandes, par exemple, à la Sha'ira, est-ce que vous affirmez que Allah subhanahu wa ta'ala est al-Basir et qu'il a l'attribut de al-Basar, ils vont dire oui. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Et l'être humain aussi voit. Donc, pourquoi ? Pourquoi vous affirmez l'attribut de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on parle de la vision, vous dites oui, on affirme la vision, mais vous dites c'est pas une vision comme la vision de la créature. Mais quand on parle de Stiwa, vous le reniez. Et pourquoi vous faites pas comme la même chose que ce que vous faites pour la vision? Pourquoi vous dites pas la même façon qu'on affirme la vision, on affirme Stiwa et on dit qu'elle n'est pas pareille à Stiwa des créatures? C'est-à-dire, on dit, istawa, walakin, istiwa'an, yaliqu bi jalalihi. C'est-à-dire, il s'est établi au-delà de son trône, ou il s'est élevé au-delà de son trône, d'une façon qui lui convient. Il convient à sa majesté. C'est pas d'une manière qui implique une forme d'imperfection, ou une forme de défaut, yani, quelconque, yani. D'accord? La même chose, on peut dire à propos de, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est al-hayy. Il a parmi ses noms le nom de Al-Hayat, yani Al-Hay, ou Al-Hay. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant. Hein? Donc, il est vivant, il a une vie, d'accord? Sauf que, yani, et l'être humain aussi, Al-Makhlouq, il a une vie, l'être humain est vivant. Aussi, l'animal est vivant, d'accord? Est-ce que la vie de l'animal est pareille à la vie de l'homme? Non. Est-ce que la vie de l'homme est pareille à la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc, même si Allah est Al-Hayy, et nous aussi on est vivant et Allah est vivant, est-ce que nos deux vies sont pareilles? Non. Donc quand on affirme que Allah est Al-Hayy, ça n'implique pas du tout une ressemblance entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que sa vie et notre vie sont deux vies différentes. Sa vie est infinie. Elle n'a pas un commencement, elle n'a pas de début. Elle est parfaite, elle est complète. Tandis que notre vie, elle a un début et elle a une fin. D'accord? Et notre vie est limitée, il y a plein de limites dans notre vie, donc ce n'est pas une vie parfaite comme celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucune comparaison possible. La même chose pour, de la même façon qu'on parle de ces attributs-là, eh bien c'est la même façon aussi qu'on affirme les autres attributs aussi. D'accord? Et ça c'est un argument qu'on utilise contre eux, parce que eux c'est un argument qu'on utilise contre Al-Asha'ira, parce que c'est l'argument que les Asha'ira utilisent contre les Mu'tazila. Parce que les Mu'tazila, contrairement, par exemple, les Mu'tazila, ils ont dit, nous on affirme seulement les noms d'Allah. Hein? Al-Khaliq, Al-Raziq, Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, les noms comme ça, on les affirme. Sauf que, on dit, ces attributs-là, ces noms-là n'ont pas de sens. Alors, Al-Asha'ira, ils ont dit, non. On affirme les noms, mais aussi on doit croire à certaines des attributs. Ils ont affirmé uniquement 7 même, d'entre les attributs d'Allah. Et parmi eux, il y en a qui en ont affirmé 13. Mais ils sont tous d'accord sur 7, et ils ont dit, la différence entre, eux ils ont dit, les Asha'ira, ils ont répondu au Mu'tazila en disant, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala et Al-Hayy, et nous on est vivants aussi, on a une hayat, et Allah a une hayat, et les deux sont différents. Alors eux ils se sont limités pour affirmer 7 attributs avec cet argument, en discutant avec les Mu'tazila, et uniquement, ils les ont affirmés uniquement sur un plan irrationnel, c'est-à-dire ils affirment 7 attributs et ils disent que ces 7 attributs-là on les affirme parce qu'elles sont prouvées par la raison. On n'est pas parce qu'elles sont présentes dans le Coran ou dans la Sunna. Ils se basent uniquement sur la raison pour affirmer ces attributs-là. Alors les gens d'Ahl Sunna ou Al-Jama'a, eux ils ont dit non, on affirme tous les noms et toutes les attributs d'Allah. Et le même argument que vous utilisez vous contre Al-Mu'tazila, eh bien on peut l'utiliser contre vous, Al-Asha'ira, parce que en réalité c'est le même argument et c'est le même problème. La même erreur que les Mu'tazila font, vous le faites avec les autres attributs en dehors des 7. Par exemple, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de mahabba. Et là, il n'a pas de rabat. Par exemple, Allah, il s'est donné l'attribut de la colère. Et il s'est aussi donné l'attribut de l'amour. Donc, il a dit qu'il aimait certaines créatures, et il a dit qu'il se mettait en colère contre certaines de ses créatures. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالكم؟ الحمد لله جيد لنزلنا لا فاميك نزلنا جيد سيلا الحمد لله ما شاء الله الحمد لله سميع الحمد لله ما شاء الله. Donc comme on disait, Allah سبحانه وتعالى eux ils refusent d'affirmer que Allah سبحانه وتعالى a الحب والغضب et d'autres de ces attributs-là, par exemple. Parce qu'ils ont dit non. Par exemple, al-ghadab, la colère, c'est lorsque le sang dans le corps de l'être humain commence à chauffer, et puis que c'est un sort de sentiment qui vient et qui te donne l'envie de te venger. Donc, il ne faut pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça implique une sorte de faiblesse, une sorte d'erreur, de défaut à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les salafs ils ont utilisé le même argument que ces gens-là ont utilisé contre les Mu'tazila, et ils ont dit, d'accord, la colère que vous affirmez là, que la colère que vous dites qu'on ne peut pas affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, en réalité, vous la niez parce que vous pensez que nous, quand on l'affirme, c'est une ressemblance entre Allah et sa créature. Mais nous, la même façon que lorsque vous dites, par exemple, à propos de Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, ou qu'il voit tout, vous dites, il entend tout et il voit tout, Et nous aussi, les êtres humains, on dit, on entend et on voit, mais vous dites, c'est pas pareil. Les êtres humains, la créature, les animaux, les êtres humains, on voit, sauf que notre vision, elle est limitée. Tandis que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est infinie. Donc, vous dites, les deux, c'est la vision, c'est une vision, mais c'est deux visions différentes. La même chose pour la colère, on peut le dire de la même façon. C'est-à-dire que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comparable à la colère des êtres humains. Et l'amour des créatures, elle n'est pas comparable à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour les autres attributs comme Ar-Rahma et Al-Hikma. Eux, n'importe quel attribut, comme par exemple Al-Ghadab ou Al-Muhabba, ils l'interprètent comme étant la volonté. Tu comprends? Pour eux, ils l'interprètent comme étant la volonté. Comme par exemple quand tu dis Allah yuhib al-muttaqin, Allah aime les pieux, eux ils disent Allah veut les récompenser. Mais ils interprètent l'amour d'Allah comme étant sa volonté. Ou quand ils disent par exemple radiyallahu alayhim, à propos des Yahoud par exemple dans le Coran, ils vont dire bon, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yantaqim minhum, c'est-à-dire il veut se venger d'eux. Mais c'est pas qu'il a une colère ou qu'il a un amour ou des choses de ce genre. Donc, il y a une toute attribut en dehors des têtes, il l'interprète comme étant une irada, une volonté. Donc, ça, c'est une autre forme de tahrif. Et on va en parler plus tard. Par exemple, eux, ils ont utilisé un terme justement pour essayer de rendre cette forme de déformation ou déviation du sens, pour le rendre acceptable, ils l'ont nommé par un autre nom. Au lieu de dire tahrif, parce que bien entendu tahrif c'est un terme qui est mal vu, c'est mal pris, parce que c'est le même terme qui est utilisé à propos des juifs quand ils ont dévié le sens des mots dans le Coran. Ils yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Allah dit ça à propos des juifs qu'ils ont déformé le sens de leur contexte. Alors eux, si tu leur dis, si ils disent on fait le tahrif, bien entendu, tout le monde va les démasquer, tout le monde va savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent un autre mot qui est accepté, parce qu'il a une connotation qui est positive en même temps, c'est le mot ta'wil. Donc ils disent qu'il faut faire le ta'wil de ce verset. Et le ta'wil, étant donné qu'il a plusieurs significations, alors quelqu'un pourrait le prendre dans le bon sens, alors que eux, qu'est-ce qu'ils impliquent en réalité par ce mot-là? C'est tahrif, hein, c'est de dévier le sens. Par exemple, ta'wil, dans la langue arabe classique, comme les salafs l'utilisaient, ils l'utilisaient pour signifier l'interprétation d'un verset. Hein, comme tu disais, ta'wil al-Qur'an, ou tafsir al-Qur'an, c'est l'explication du Qur'an. Mais eux, ils ont pris ce mot-là, et ils ont donné à ce mot-là un autre sens. Dans le sens qu'ils ont fait le tahrif et ils l'ont nommé ta'wil. C'est comme s'ils ont fait un truc pour faire accepter ce qu'ils font, de la part des musulmans. Mais ça, on va en parler aussi, inshallah. J'ai fait des recherches là-dessus dans le livre de Cheikh Lo, Ahmed Lo. dans sa thèse de doctorat, التأويل الفاسد, جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية, يعني les crimes de fausses interprétations, يعني ou du تأويل, يعني vis-à-vis de la croyance islamique. Et ça, c'est un livre, mashallah, c'est une recherche vraiment incroyable sur le sujet. Il a mentionné des exemples, il a mentionné au début toute la recherche au sujet du ta'wil, qu'est-ce que c'est, le bon ta'wil, le mauvais ta'wil, les différentes catégories, il a vraiment expliqué ça en détail. Après ça, il a commencé à mentionner les exemples, comment le ta'wil est rentré dans la umma de l'islam, et même avant l'islam, comment le ta'wil est apparu chez les gens du livre, après chez les musulmans, et après il a donné dans chaque secte des exemples de ta'wil, comment ils ont fait le ta'wil pour dévier le sens du Coran. Et subhanallah, il a fait pour le Shia, il a fait pour le Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Khawarij, je pense, je ne suis pas sûr. Il l'a fait pour Al-Falasifa, les philosophes. Il l'a fait pour Soufia. Il l'a fait pour Al-Batiniyoun, les ésotériques, les groupes ésotériques. En gros, là, c'est ça. Et puis, il a donné des exemples pour chaque texte de ta'wil, comment ils ont déformé le sens du Coran, comment ils ont joué avec le Coran, pour essayer de lui donner une autre interprétation. Donc, ça, c'est un livre. Je vais m'y référer pour expliquer ce sujet-là. Peut-être pas en détail, mais juste au moins pour expliquer le mot ta'wil lui-même et donner quelques exemples. Pour expliquer. Donc, ça c'était juste pour expliquer ces quatre termes. Et puis là, le cheikh il dit après, et il est obligatoire de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire par le fait que par exemple, on ne peut pas appeler quelqu'un d'autre par ses noms. On ne peut pas appeler personne Allah ou appeler personne Ar-Rahman ou Ar-Rahim ou des choses comme ça. D'accord ? وذلك من تحقيق التوحيد et ça fait partie du fait d'appliquer le tawhid. Par exemple, il y a un hadith qui est rapporté par Abi Shuraik que أنه كان يكنى بأبا الحكم يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريق كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله فقال فمن أكبرهم قلت شريح فقال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره أساسي أنا حديث يعني في ميتكليك qu'on ne peut pas te donner comme nom ou surnom un des noms d'Allah ou une de ses attributs ou un de ses noms comme kunya ou comme nom. Donc par exemple il cite le hadith qui est rapporté selon Abi Shuraih. Yani, Abi Shuraih avant l'islam on l'appelait Abul Hakam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui al-hakam. Et c'est à lui qu'on retourne pour avoir un hukm, c'est-à-dire pour avoir un jugement. C'est Allah le juge, et c'est à lui qu'on retourne pour avoir un jugement. Alors, Abu Shuraih, celui qu'on appelait Abu al-Hakam, il a dit, mon père, avant, lorsqu'ils avaient un conflit, ils venaient me voir, et moi je jugeais entre eux. Et les deux parties étaient content, satisfait de mon jugement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma ahsana hadha. Et là, on voit aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bonne attitude envers les gens et comment il savait leur parler, yani, pour ne pas les offenser, yani, avec respect, pour ne pas essayer de les offenser ou de les repousser. Alors, il dit, ma ahsana hadha. Il dit, comme ça, c'est une bonne chose. C'est bien ça. Cette chose-là. Mais pour lui montrer que c'est pas correct de prendre un des noms d'Allah comme kunya, alors il a dit combien tu as d'enfants, ou c'est quoi, combien d'enfants tu as, et il a dit j'ai Shuraih, et j'ai Muslim, et j'ai Abdullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lequel d'entre eux est le plus grand. Il a dit Shuraih. Alors il a dit à partir de maintenant tu es Abu Shuraih. Il a donné cette kunya. Yani pour remplacer sa kunya qu'il avait de Abu al-Hakam parce que c'est un des noms d'Allah. Parce qu'il ne pouvait pas prendre cette kunya. Donc le cheikh il dit فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أجل احترام أسماء الله لأن الله هو الحكم على الإطلاق. وقال تعالى والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو الحكم في الدنيا والآخرة ويحكم في الدنيا بين خلقه بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ويحكم بينهم يوم القيامة بعلمه فيما اختلفوا فيه وينصف المظلوم من الظالم. نعم. دونك الشيخ يقول que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé sa kunya dans le but de que les noms d'Allah soient respectés. Parce que Allah, c'est lui seul qui est yani, le juge, Al-Hakam. Et Allah a dit dans le Coran, Wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi. Allah, c'est une ayah dans le Coran qui dit Allah est celui qui juge, Allah juge, et rien ne peut s'opposer à son jugement. Wahuwa Al-Hakam fi dunya, c'est lui qui juge dans le dunya et dans l'akhirah, c'est-à-dire dans cette vie et dans l'au-delà. Et comment il juge dans cette vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, là, ils disent on ne peut pas appliquer des jugements dans cette vie, on ne peut pas juger les gens parce qu'il y en a, c'est Allah seul qui est le juge. Et donc, le fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, Allah juge dans cette vie justement par sa révélation. Hein? Donc, quand on juge quelque chose, quand il y a un juge qui juge, selon la révélation d'Allah, c'est comme s'il applique le jugement d'Allah sur cette personne. C'est pas comme si lui-même il juge, hein. C'est comme si il appliquait le jugement d'Allah sur cette personne selon l'ordre d'Allah. Donc, c'est de cette façon-là qu'Allah juge dans cette vie, il juge entre ses serviteurs par sa révélation qu'il a révélée à ses messagers, et au jugement dernier, il va juger entre toute la création, entre tous les êtres humains, dans ce qu'ils ont eu comme conflit, et il va distinguer le juste de l'injuste, ou le juste de l'opprimé. Yani, celui qui a commis l'injustice et celui qui a été opprimé. Après, le chef dit, « Wa fi hadha al-hadith, dalilun ala al-man'i min al-tasammi bi asma'i Allahi al-mukhtassa bihi, wal-man'u bimma yuhimu adam l'ihtiram laha, kattakanni bi-abil hakam wa nahwihi. » Donc, il dit dans ce hadith, il y a une preuve aussi qu'il est interdit de se nommer par les noms d'Allah qui sont spécifiquement à lui, et que c'est interdit de prendre un nom qui implique un manque de respect envers ces noms. Comme par exemple de prendre comme surnom Abul Hakam. Parce que quand tu dis Abul Hakam, c'est comme si tu dis en fait le père de Al-Hakam. Hein, dans la langue arabe. Et le père de Al-Hakam, c'est comme si, étant donné que c'est un des noms d'Allah, ça implique comme si tu dis le père d'Allah, ou le père de Dieu. Et ça, c'est, bien entendu, c'est un manque de respect, on ne peut pas dire ça. Quand on sait que Allah, l'âme, il y a les doigts à nous, Allah n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. D'accord? Donc, il y a ça, et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il a des noms qui sont spécifiquement à lui. Tandis qu'il y a des noms, par exemple, qui peuvent être donnés à certaines de ses créatures, mais sous la forme indéfinie. Comme par exemple, on peut dire qu'un être humain est Rahim, mais seulement Allah est Ar-Rahim, c'est-à-dire le miséricordieux, et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut dire à propos d'une créature qu'il est Rahim. Hein? C'est pour ça que Allah a décrit le prophète sallam en disant Bil mu'minina ra'oufun rahim. Ra'oufun rahim. C'est-à-dire, il est indulgent et il est miséricordieux envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en décrivant le prophète sallam. Donc ça prouve que c'est permis de certains des noms d'Allah, on a le droit de les attribuer ou de les dire pour des créatures, mais sous la forme indéfinie, sans utiliser l'article al, c'est-à-dire le. C'est-à-dire Allah, c'est le miséricordieux, mais quelqu'un peut dire qu'il est un miséricordieux, c'est-à-dire une personne miséricorde, qui a une miséricorde, hein. Parce que ça implique qu'il est, une attribut divine ou des choses comme ça, hein. D'accord? Après le chef, il dit, wa min ihtirami asma illahi, أن لا يقول الإنسان لمملوكه عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. Donc parmi le respect des noms et des attributs des noms d'Allah, parmi qu'est-ce qui fait partie du respect des noms d'Allah, le fait de ne pas dire à un autre être humain qui est notre esclave, de l'appeler mon esclave ou mon esclave ou ma, ma, féminin ou masculin, ou de dire ma servante ou mon servant. Parce que ça implique une sorte de partage, comme si on partage quelque chose de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est seul, le seul qui est Arab, c'est le seul qui est le Seigneur et le maître de toutes choses. Et on est tous ses esclaves et ses serviteurs. Donc, le fait d'appeler un autre être humain serviteur, c'est comme si cet être-là, cet être humain-là nous appartient, comme si on a quelque chose de partage dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter ça, il nous a interdit d'utiliser ce terme. Il nous a interdit de dire à un autre être humain, mon esclave, ou mon serviteur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك وضي ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Abu Huraira, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne dise donne de la nourriture, amène la nourriture pour ton Seigneur, donne la nourriture pour ton Rab. Parce qu'on utilise des fois le mot Rab pour dire Rabbul Bayt, le maître de la maison, en voulant dire que c'est lui le maître de la maison, on dit Rabbul Bayt. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est ça que on avait déjà discuté là-dessus. Voilà, je vais mentionner ça, tu vas voir. Wa alaykoum salam. Ah ouais, c'est pas après le Maghreb. Ah non, maintenant. Alors, c'est jamais 5 minutes. Toujours plus. Ok. Non, il veut qu'on aille manger, c'est ça qu'il veut. En tout cas, ouais, on va attendre encore et c'est ça. Inch'Allah. Donc le chef il dit At'im Rabbak, Wadi Rabbak. Donc on peut pas dire ça, on peut pas dire nourris ton Seigneur ou bien amène l'eau pour ton Seigneur ou bien des choses comme ça. On doit plutôt dire Yani Sayyidi wa Mawlaj. C'est-à-dire pour ton maître, et ton maître, mais pas ton Seigneur. Et on avait déjà parlé au sujet de dire Sayyid. Sayyid. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Sayyid. Wa alaykum salam wa barakatuh. Mais on a dit que, comme on avait dit, ça dépend de l'utilisation qu'on en faisait. C'est ça. C'est que si on ne le dit pas dans le sens d'une glorification, mais qu'on le dit dans le sens d'une description, et comme on dit Sayyid, Sayyid al-Qawm, c'est quelqu'un réellement Sayyid, c'est-à-dire il est le chef d'une tribu, ou qu'il est le maître d'une maison, ou des choses comme ça, et qu'il a des serviteurs, et que le serviteur l'appelle Sayyid, c'est pas dans le sens d'une glorification, mais c'est dans le sens d'une description, pour expliquer qu'est-ce qu'il est vraiment, son statut, donc là, c'est pas interdit. C'est interdit uniquement quand c'est dit d'une façon pour essayer de baiser quelqu'un ou de le glorifier. Là, ce sens-là. Si tu dis au prophète, Sayyid, si tu le dis, donc, non pas pour le glorifier, mais juste pour expliquer par respect, ouais, donc c'est là que c'est correct. Ouais. Bon, Seigneur. Ouais. Même dans la vie, dans leur intention, Jésus ne peut pas être pour lui-même. C'est ça, il faut éviter, mais si tu le dis pour décrire, comme il y a des exemples d'autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a des sahaba qui l'ont dit, et puis il y a certaines fois quand il l'a dit, il les a réprimés, et dans certaines d'autres occasions, il a dit plus. Comme par exemple, il a dit « Ana Sayyidu waladi Adam, wala Fahra ». c'est-à-dire je suis le Seigneur, le chef des, je suis le chef des êtres, des enfants d'Adam, mais il n'y a pas là-dedans aucune fierté, il dit pas ça pour se vanter, mais uniquement pour informer de son statut. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est correct. Le maître des prophètes, c'est de l'Andinia. Oui, je pense que ça peut se dire, puisque c'est vrai dans son cas. Le Seigneur, c'est, Seigneur, ça fait, en français, là, ça fait trop fort, ça. Ouais, maître des prophètes. Ou le plus grand des prophètes, ou des choses comme ça. Ça, ça explique mieux le sens. En français, le plus grand des prophètes. Oui, le Khatim ou l'Andinia. Ouais. C'est dire ça. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours, réprimandé les gens qui le glorifiaient, d'une façon exagérée, ou qui le levaient à son, au-dessus de son niveau, c'est mieux d'éviter ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas comme les chrétiens ont élevé le fils du mari. Ça encourage les exemples de ça. Ça peut tomber les gens à exagérer dans la vénération du prophète sallam au point de le rendre au niveau de divinité ou semi-divinité, comme dans le sophisme, dans certains soufis, ils exagèrent dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de lui donner des attributs d'Allah sallam et de le décrire avec des attributs divins. Et puis aussi, en général, il faut éviter ça parce que c'est comme ça que les chrétiens ont commencé à faire avec Jésus et ça les a poussés à le prendre comme une partie de la divinité, à lui attribuer la divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bon. Oui, il y en a qui disent Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La formule qui est authentique, c'est que on ne doit pas dire sayyidina Muhammad dans les hadiths. J'ai lu à propos de ça, et dans toutes les narrations, il n'y en a aucune qui mentionne Sayyidina Muhammad. Je ne sais pas si ce sont les élèves, mais ce sont des ulama qui ont, ou des shuyukh qui ont fait ça. Ouais, qui ont rajouté ça, mais ça ne fait pas partie des hadiths. Il y en a plusieurs, plus que deux. Il y en a plus que deux. Mais dans toutes les versions, là, il n'y en a aucune qui mentionne Sayyidina Muhammad. Et si tu regardes dans le. Ouais, c'est ça. Le Cheikh Al-Albani, à la fin, il a mentionné ça. Et puis, il mentionne toutes les versions. Dans ce livre. Et il prend aussi du livre de Ibn Qayyim al-Jawziyya à propos du. Ibn Qayyim, il a écrit un livre spécialement sur ce sujet-là, le salam à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai oublié le titre, mais on parle de ce sujet-là. Donc et après le hadith, dans le hadith qu'on lisait au début, il disait « وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَغُلَامِ » C'est-à-dire, ne dites pas « mon esclave » ou masculin ou féminin, « abdi » c'est masculin et « amati » c'est féminin. Et il disait « dites plutôt « ma fille » ou « mon garçon » comme ça, si c'est des jeunes. Et parce que en fait on dit uniquement abd pour les on dit à quelqu'un abdullah et amatullah mais on dit pas abdi mon serviteur mon esclave à moi oui c'est parce qu'on est tous des esclaves d'Allah donc on n'a pas le droit d'appeler les gens esclaves d'autre chose que Allah oui c'est ça et ça nous explique aussi l'erreur des chiites par exemple certains d'entre eux qui s'appellent Abdul Ali non pas Abdul Ali, mais Abdul Ali. Esclaves de Ali, ou Abdul Hussein, ou Abdul Hassan. Ils sont des esclaves de Hassan. Bon. Donc, ça là, c'est des exemples de noms qui sont interdits. Parce qu'on ne peut pas être Abd autre chose que de Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y en a qui s'appellent Abdul Muhammad, ou Abdul Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai déjà entendu quelqu'un qui s'appelait comme ça. Esclave du prophète, ou serviteur du prophète, et ça, c'est pas permis à lui de pratiquer ça. Il y a quelqu'un qui, ça dépend de la personne. Si quelqu'un croit vraiment que il est que Ali ou que la personne qui a comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est son rab, que c'est lui Allah, yani, ça c'est sûr que c'est kufr, yani. Mais si il le dit comme ça sans croire, est-ce que ça rend un chef à ça? Allahu a'lam. Moi je sais pas. Oui, ça peut rentrer par. Ouais. Ça rentre même sans l'intention. Asrar. Après, il y a quelques fois, il n'y a pas marqué, mais il y a beaucoup de convertis. Oui. Il y a beaucoup de convertis. Oui, je me suis dit. Oui. À propos de. Al-Halfu de Réla. Le Coran, c'est pas pareil. Comme le Coran, on avait expliqué que on peut, si on jure par les paroles d'Allah, ça c'est pas créé, donc ça fait partie des attributs d'Allah. Et donc on peut jurer par les attributs d'Allah, il n'y a pas de problème. Hein, comme tu jures par la grandeur d'Allah, tu jures par la puissance d'Allah, et tu jures par la parole d'Allah, par le Coran, puisque c'est la parole d'Allah, donc ça là c'est correct. Ouais. Mais tu ne peux pas jurer par une chose créée, la Kaaba, ou yani, le prophète, sallam, ou ton père, ou ta mère, ou ta vie, ou autre chose yani, de ce genre. Non. Subhanallah. Donc on va arrêter. On va. Non. Ok. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc on va continuer, inshallah. Donc on était en train d'expliquer que on ne doit pas dire à un esclave, yani abdi ou amati, mais on doit dire fatati ou bien fataya ou bien fatati ou ghulami, c'est-à-dire ma fille ou mon garçon, yani, comme on le dit en arabe, mais on ne doit pas dire à la personne quelque chose qui implique qu'on est son maître, son seigneur ou son rab. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre Rab, et que yani, quand on dit par exemple Rab, ça implique que yani, une personne est soumise à autre que Allah, donc on ne doit pas s'appeler esclave de autre que Allah, comme certains s'appellent Abdul Nabi ou un autre exemple de ce genre, yani, ça c'est haram. Après الشيخ الزي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ ربك عبدي أمتي لأنها توهم التشرك مع الله وسدا للذريعة وحتما لمادة الشرك وأرشد المالك أن يقول فتايا وفتاتي والعبد أن يقول سيدي ومولاي. Donc, c'est exactement ça que le chef explique. C'est pour fermer la porte à toute idée qui pourrait impliquer qu'il y a un esclave ou un être humain a une association ou participe à la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne doit pas dire abdi ou fatati. Et le chef il donne un autre exemple. On est ihtiram asma'illah subhanahu, annahu la يرد من سأل بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. Donc le cheikh il dit on doit respecter parmi les choses qui font partie du respect des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on ne doit pas refuser personne qui nous demande par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si quelqu'un nous demande, on dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, si quelqu'un dit, as'aluka billah, je te demande par Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu ne dois pas lui refuser. Et c'est ce qui est rapporté, selon Ibn Umar, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande la protection par Allah, alors protégez-le. Et celui qui demande quelque chose par Allah subhanahu wa ta'ala, alors donnez-lui. Le cheikh il dit, لأن منع من سأل بالله يدل على عدم إجلال الله وفي إعطائه دليل على تعظيم الله والتقرب إليه سبحانه. Donc, lorsque tu refuses à quelqu'un qui te demande par Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre qu'en fait tu n'as pas aucun respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'a pas vénéré Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et aussi, il y a un aussi, quelqu'un te, si tu donnes à quelqu'un qui te demande par Allah, tu donnes, yani, par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut te rapprocher de lui. Hein? Après, le cheikh il dit, wa min ihtiram asma'illahi ta'ala annahu la yus'alu biwajhihi. بوجه الله تعالى إلا الجنة إجلالا لله وإكراما له وتعظيما له. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فلا يسأل بوجه الله تعالى ما هو حقير من حوائج الدنيا، وإنما يسأل به ما هو غاية المطالب وهو الجنة، أو ما هو وسيلة إلى الجنة مما يقرب إليها من قول أو عمل. Donc le cheikh il mentionne un hadith. Yani, en premier il explique qu'on doit parmi les choses qui font partie du respect des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on ne doit pas demander par le visage d'Allah rien excepté le paradis. C'est-à-dire que quand on demande quelque chose par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis as'aluka biwajhik, Allahumma as'aluka biwajhik. C'est-à-dire demande par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le visage qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on affirme. Alors, quand on demande par son visage, on ne doit demander rien d'autre que le paradis. Hein? Donc, oui. Illa al-Jannah, rawahu Abu Dawud, mais c'est possible qu'il y ait d'autres versions qui mentionnent al-Firdaus. Et al-Firdaus, qu'est-ce que c'est? C'est le plus haut niveau du paradis. Non, est-ce que, yani d'après cette riwaya, on peut demander aussi al-Jannah en général. Hein? Et puis, donc ça c'est par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et comme un signe de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'exaltation pour Allah quand on le respecte, on ne lui demande rien par son visage excepté le paradis. Et selon Jabir, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien n'est demandé par le visage d'Allah excepté le paradis. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Et le cheikh il dit, et donc on ne doit pas demander à Allah sallallahu alayhi wa sallam par son visage les choses méprisables de cette vie, hein, les choses qui font partie des choses de cette vie. Parce que c'est des choses futiles, hein, comme par exemple, souvent on fait des doigts, on demande à Allah des choses pour la vie, pour cette vie présente. Comme un travail, de l'argent, ou des enfants, ou des choses comme ça. Tandis que quand on fait des du'as par le visage d'Allah, on demande à Allah quelque chose qui est parmi les plus grandes choses, c'est-à-dire al-Jannah, le paradis. Parce que c'est le but de tout ce qu'on fait dans cette vie de, d'adoration, et de prière, et de d'amis, etc., de bonnes choses qu'on fait d'obéissance. Tout ce qu'on fait d'obéissance, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le but d'aller au paradis. Donc, c'est ça notre but ultime, donc quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala ces choses-là, c'est les choses les plus importantes, c'est le paradis. Donc si on demande à Allah par son visage, on ne doit pas demander pour des choses futiles de la vie, mais uniquement pour des choses qui sont plus importantes comme al-Jannah. Et puis bien entendu, si on demande des choses de la vie d'ici-bas, pour à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas interdit. Excepté que on ne doit pas lui demander par son visage. On peut demander à Allah. Hein? Par exemple, tu dis Na'a biwajhillah. Par exemple, tu dis Allahumma inni as'aluka biwajhik an tudkhilni al-jannah. Que tu me fasses entrer dans ton paradis. Mais tu ne demandes pas par cet attribut-là autre chose que le paradis. c'est uniquement spécifique pour cet attribut-là d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le al-wajh. Hein? Donc, alhamdulillah. Et le cheikh après il dit ومن احترام اسماء الله ان لا يكثر لا يكثر الحلف الحلف بها قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم وقال ابن عباس يريد لا تحلفوا لان كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. Donc, le cheikh il dit, parmi les choses qui font partie du respect des noms d'Allah, c'est qu'on ne doit pas continuellement jurer par ses noms. On ne doit pas prendre l'habitude de faire beaucoup de jurer beaucoup par ses noms. Et Allah a dit, وَحْفَظُ أَيْمَانَكُمْ, c'est-à-dire, garde, وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَحْفَظُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Allah il dit, gardez vos serments. Lorsque vous faites un serment, alors il faut le respecter. Hein? Et Ibn Abbas dit yuridu, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ne jurez pas. Parce que lorsque vous jurez trop, ça montre que vous avez manqué de respect envers Allah. C'est comme vous avez une idée basse d'Allah. Vous n'avez pas donné le respect qu'il mérite. Hein? Et vous ne l'avez pas exalté, hein, vous ne l'avez pas respecté d'une façon suffisante. Et ça vient en contradiction avec la perfection du tawhid qui est obligatoire. Et An Salman, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qal, thalathatun, la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. يعني سبحان الله عائل مستكبر نعم يعني dans une autre رواية ici je pense que c'est une erreur شيخ زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. En fait c'est Hachimat, je ne peux même pas prononcer ce mot-là. Mais dans une autre riwaya, je sais que c'est écrit Sheikh Ndanim. Je ne sais pas si tu peux le trouver dans ton édition. Alif, Shin, Ya, Min, Ta. Hachimat. Je peux voir? Oushaïmet? Ouais. Ok, Oushaïmet. Ah non, c'est la première fois que j'ai ce mot-là. Tu l'as trouvé ici, ouais. Oui, c'est ça, Oushaïmet. Oushaïmet, ils ne vont pas expliquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cheikh, une personne âgée, je pense que c'est l'adultère ou la fornication. C'est quelque chose qui est laid. Quand, si un jeune le fait, c'est laid, mais bien entendu, c'est quelque chose de mal. Mais quand une personne âgée le fait, c'est encore plus laid parce que le respect qu'on donne à la personne âgée, il nous stack, il y a une personne pauvre. Mais qui est orgueilleuse ou fière, hein. ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. يعني le cheikh il explique ici, il dit ومعنى جعل الله بضاعته أي جعل الحلف بالله بضاعته ففيه شدة الوعيد على كثرة الحلف لأن ذلك يدل على الاستخفاف بحق الله تعالى وعدم احترام أسمائه. C'est-à-dire une personne qui a fait d'Allah SWT comme si c'est son... Qu'est-ce qu'il fait? Il jure par Allah SWT pour avoir des choses. il jure pour acheter, puis il jure pour vendre. Et donc, ça a une implication. Le cheikh, il dit qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que c'est une menace sérieuse pour celui qui jure constamment. Et que ça montre un manque de respect pour le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a envers nous, et aussi le manque de respect envers ses membres. Istighfar, ça veut dire qu'on a rabaissé quelque chose, on a diminué dans son respect. Non. Ça, c'est si tu demandes à un être humain qui est vivant, actuellement, qui est présent, tu lui demandes de faire un doigt pour toi, ça c'est permis. Mais si tu demandes à une créature qui est quelqu'un qui est mort, tu lui demandes, il y en a de faire un doigt pour toi, ou tu lui demandes à Shafa'a, alors qu'il est mort, il n'y en a c'est pas possible, c'est pas permis. Hein? Et donc il y a beaucoup parmi les soufis qui cherchent l'intercession des morts ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres parmi les salihins, les pieux, parce que c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné qu'il allait avoir une intercession, hein? Donc eux ils s'imaginent qu'ils peuvent la demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Or ça c'est une erreur, parce que l'intercession est uniquement pour après sa mort, on peut seulement lui demander au jugement dernier. Au jugement dernier, tu pourras aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, au jugement dernier, tout le monde va essayer de trouver un moyen. Chaque prophète va envoyer les gens à un autre, jusqu'à ce que tu arrives au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa plus lui demander l'intercession. Et on doit uniquement la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَمِتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعًا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs? Et même s'ils n'entendent rien, et même s'ils ne réfléchissent pas, dit, l'intercession appartient uniquement à Allah. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض à lui appartient le royaume des cieux et de la terre ثم إليه ترجعون puis ensuite vous serez retourné à lui à Allah subhanahu wa ta'ala donc on peut pas demander l'intercession dans cette vie à autre que Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله alors eux ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit et eux ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui peut ni leur faire du tort ni les profiter en quoi que ce soit et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Après Allah subhanahu wa ta'ala il répond et il dit قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit est-ce que vous allez informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui n'a aucun savoir ni dans les cieux ni sur la terre alors qu'on dit que Allah soit purifié de ce qui lui associe donc ça vient nous expliquer qu'en fait ceux qui demande l'intercession à des morts, en réalité, c'est comme s'ils les adorent, ces personnes-là, et ce qu'ils font, c'est une acte de shirk. Parce que les gens qui sont dans leur tombe, même s'ils entendaient ce qu'on pouvait leur dire, ils n'ont aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour nous. Leur vie est finie. Ils ont terminé leur test, et ils ne peuvent même pas nous profiter en quoi que ce soit, ils ne peuvent même pas se profiter eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils nous aider, nous, alors qu'ils sont morts. Et deuxièmement, eux, ces gens-là, auxquels ces gens-là demandent, eux-mêmes, lorsqu'ils étaient en vie, ils le demandaient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit suivre leur exemple et demander uniquement à Allah et non demander à ces esclaves-là, à ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et donc, pour demander à un être qui est vivant, d'invoquer Allah pour nous, c'est permis. De demander à une personne qui est morte d'invoquer Allah pour nous, de prier Allah pour nous, de faire quelque chose pour nous, ça c'est shirk, c'est haram. Et... Non. Exactement. C'est permis de demander à Allah pour que nous soyons dans l'exercice pour cette intercession. Si quelqu'un demande directement à Allah de nous donner l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier, oui, ça c'est permis. Il n'y a aucun problème là-dedans parce que tu demandes à Allah. Mais il y a une chose par exemple que certains des gens de Bid'a font. Ils ont trouvé un moyen d'essayer de rendre ça acceptable, c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est, ils appellent ça at-tawassul. Ils disent, ok, on va pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on demande à Allah sallallahu alayhi wa sallam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ça c'est une bid'a, Ça c'est une bid'a parce que ça fait pas partie de l'islam de demander à Allah sallallahu alayhi wa sallam, بنبيه par le prophète صلى الله عليه وسلم أو بجاه نبيه par le statut de son prophète ça fait pas partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et les sahaba n'ont jamais fait une chose pareille ni les tabi'in ni les autres qui sont venus après parmi les salaf donc ceux qui ont inventé ça par après ils ont inventé ça et puis c'est une innovation dans l'islam et puis ça peut même amener les gens à tomber dans le shirk s'ils font ça parce que à force de le faire, ils peuvent commencer à demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, at-tawassul, il y a quatre catégories de tawassul. At-tawassul par les noms d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De demander à Allah sallallahu alayhi wa sallam par ses noms, ça c'est permis. de demander aussi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action qu'on a faite. Par exemple, tu demandes à Allah, tu dis oh Allah, par tel acte que j'ai fait de piété, je te demande de me. On va continuer, inshallah, la prochaine fois. Merci.